Découvrez l'application Radio France. Écoutez vos radios en direct, retrouvez toutes vos émissions à la demande et les podcasts originaux des chaînes de Radio France. . 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Une fois n'est pas coutume, le Trocadéro et la cité de l'architecture et du patrimoine se consacrent à 3000 ans de civilisation précolombienne jusqu'à l'énigmatique cité du Machu Picchu. Plus de 190 chefs-d'œuvre et pièces originales d'un des plus grands musées péruviens sont ainsi réunis pour la première fois en Europe. Après l'archéologie du lac Titicaca, puis celle de la Mésopotamie, le magazine d'archéologie de France Culture plonge donc aujourd'hui dans l'ère andine et toute sa diversité culturelle. 3000 ans d'histoire où émergent nombre de cultures complexes comme Valdivia, Chavin, Mochica, Moche, Tiwanaku, et cela jusqu'à l'Empire Inca et son effondrement en 1532. Pour en parler, Carole Fraresso, bonsoir. Bonsoir. Chercheuse associée à l'Institut français d'études andines et au musée Larco de Lima, votre thèse a porté sur l'orfèvrerie dans les sociétés pré-incaïques. Vous êtes aujourd'hui commissaire de cette exposition, Machu Picchu et les trésors du Pérou. Carole Fraresso, l'Empire Inca, c'est un apax, un ensemble hors norme qui s'étend sur la frange ouest de l'Amérique du Sud et couvre nombre de pays. C'est un empire qui couvre plusieurs pays, effectivement, dans les Andes, qui va couvrir la Bolivie, le nord-ouest argentin, le Chili, mais il va même s'étendre jusqu'au sud, jusqu'en Équateur et en Colombie. Et ce sont des milieux totalement diversifiés. C'est un vaste territoire extrêmement diversifié. C'est la cinquième biodiversité les plus riches au monde. Donc nous avons la côte désertique qui s'étend sur toute la côte péruvienne et qui est alimentée, si on peut dire, par cette mer qui est riche en plancton notamment, qui est liée au courant de Humboldt qui remonte depuis l'Argentine. Ah, ensuite, oui, exactement. Et ce qui explique aussi que les populations, que ce berceau de civilisation se soit installé au Pérou, et émergé du moins au Pérou. Ensuite, vous avez la cordillère des Andes, qui est hostile parce que cultiver dans ces territoires, c'est quand même complexe, mais les populations anciennes du Pérou vont savoir, avec ingéniosité, développer des systèmes de terrasses pour venir planter leurs différentes récoltes. Et enfin, derrière, vous avez le bassin amazonien, qui est extrêmement luxuriant, riche en matières premières aussi différentes, comme les plumes, la feuille de coca. Et c'est pareil, ce sont tous à leur niveau des territoires qui sont quelque part hostiles et auxquels les hommes, les anciens habitants du Pérou ont su s'adapter. On compare l'Empire Inca à l'Empire romain de Trajan. À mes yeux, la particularité est qu'il est quasi le seul dans l'hémisphère sud. Oui, c'est le seul dans l'hémisphère sud à avoir su développer un empire et surtout à savoir administrer un vaste territoire de plus de 900 000 km². Et à l'image des Romains, effectivement, les Incas, l'intelligence des Incas a été de s'approprier, d'intégrer à leur propre empire les réussites des différentes civilisations antérieures. Comme par exemple les chemins de pierre qui sont développés par les Wari. Donc on est à vers 600-900 après Jésus-Christ, donc avant les Incas. Les Incas vont développer ce système routier sur plus de 40 000 kilomètres. Et en fait, c'est le système routier le plus performant avant l'ère industrielle. Donc, c'est ce qui est aussi intéressant. Et sans la roue ? Et sans la roue, Mais après la roue, ils ne connaissent pas le fer, ils n'ont pas la roue. Mais lorsqu'on parle de ces territoires hostiles, le désert, la cordillère des Andes, la forêt amazonienne, on n'a pas besoin de roue. De vigogne et de lama, c'est ça ? De vigogne et de lama, exactement. Le transport se fait à dos de lama, donc c'est des charges limitées de 30 kilos, mais qui sont parfaitement adaptées pour ces chemins empierrés. Et donc ils vont adapter en fait, ils vont être très forts surtout dans la logistique et la gestion de l'empire. Justement, nous sommes ici devant l'un des plus grands empires archaïques au monde, un état géré d'une capitale, Cusco. L'empire a surtout imposé une langue commune, son modèle d'organisation sociale à des centaines de peuples par essence hétérogènes. Oui, la grande variété se retrouve aussi dans les langues. Donc, dans le Nord, par exemple, on sait par les chroniques et les écrits qui sont rapportés au XVIe siècle en Europe, dans le Nord, on parlait le Mochic, par exemple, qui était la langue Mochica. Donc, certains chroniqueurs ont rapporté, inscrit quelque part des dictionnaires de certains mots. Dans les Andes, par contre, vers le bassin du lac Titicaca, on va plutôt parler le Quechua et différents dialectes, pas simplement le Quechua, et dans le bassin bolivien, on parle l'Aymara. Aujourd'hui encore, ces deux langues, le Quechua et l'Aymara, sont parlées par les populations. Alors ce modèle d'organisation sociale, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? C'est, j'imagine, lié à des élites locales ? C'était lié à des élites locales, des familles, des clans, des ayous. Donc on est sur un système de réciprocité également, d'échanges sociaux et politiques. C'est-à-dire que on le retrouve dans la famille, mais on le retrouve aussi à l'échelle des alliances qui vont se faire avec d'autres groupes politiques. Par exemple, les Chimú du nord du Pérou, quand l'Inca Pachacutec va s'étendre au nord du Pérou, il va se confronter à une communauté différente, avec une langue différente, mais il y a des liens qui vont être créés à travers des échanges de marchandises, des échanges, des alliances qui vont se créer. Et ce lien social, on le retrouve à l'échelle familiale, mais aussi politique. Qu'est-ce que l'on pourrait dire sur le centralisme ? Parce que tout est géré de Cusco. Tout est géré de Cusco. Oui, et par l'empereur. Après, les Incas vont envoyer des familles dans différentes parties du territoire où ils vont s'installer et ils vont gérer les affaires de l'Inca. Et toutes ces informations, parce que, rappelons-le, nous sommes encore une fois sur un vaste territoire. Le Pérou, c'est 2,5 fois la France. Donc, si on y intègre le sud de l'Équateur, de la Colombie, la Bolivie, le Chili et l'Argentine, on est sur 5000 kilomètres de distance. Donc, ces chemins dont je parlais, empierrés, ont une force capitale, en fait, dans l'établissement de l'hégémonie, en fait, de l'Inca. Toutes ces informations, qui sont dans différentes régions, vont être rapportées à Cusco, au Tahuantinsuyo, à l'Inca, à travers des messagers, des chasquis, qui vont parcourir tout le territoire pour faire passer des informations. Carole Frareso, vous me parliez de la diversité des langues. Tous, quand même, vont parler la langue de l'Inca, donc le Quechua? Non, ils ne vont pas tous parler la langue de l'Inca. Il est imposé, mais pas comme au début. Officielle. Voilà, comme langue officielle. Comme les religions. Deux mots aussi peut-être sur le rôle de la guerre qui semble capital dans ce monde inca. Après tout, quand les conquistadors arrivent, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, effectivement. Quand les Espagnols arrivent, il y a une guerre civile. En fait, l'Inca Huascar, qui dirige depuis Quito, finalement, la partie de l'Empire, et Atahualpa sont en conflit. Et donc, il y a différentes ethnies assujetties à l'Empire qui vont plutôt se mettre du côté de Huascar et d'autres de l'autre côté d'Atahualpa. Donc, ces conflits ont fragilisé l'Empire Inca et la légitimité du Sapa Inca Atahualpa. Et donc, les Espagnols arrivent à ce moment-là et vont savoir tirer parti de ces conflits. L'Empire Inca, c'est une période de fait assez brève par rapport aux autres, par exemple comme les Moche et autres, qui durent beaucoup plus longtemps. C'est une période extrêmement brève. En fait, ce qui est fascinant, on est sur un siècle. Un siècle de développement, c'est-à-dire l'expansion de l'Empire, débute principalement avec Pachacutec vers le nord. Et donc, l'Empire Inca tel qu'on le connaît, que les Espagnols le découvrent, c'est vraiment un développement, entre 90 ans et un siècle. Sur, effectivement, 5000 ans de développement culturel. Donc, on a d'autres civilisations qui durent plus longtemps. On a, effectivement, les Mochica, c'est 100-800 après Jésus-Christ. Et donc, c'est une société qui, elle, s'est développée sur la côte nord du Pérou, avant les Chimú. Et donc, cette société passée est incroyablement intéressante de par la richesse de ces vestiges archéologiques. Donc que ce soit les temples dont les murs sont décorés de peintures murales, la poterie qui est extrêmement riche et variée, extrêmement réaliste. Elle va être peinte, elle va être modelée. L'orfèvrerie qui prend son essor avec cette civilisation-là. En fait, on a un état qui se met en place avec les Mochica. Nous voici en 1532 et l'arrivée des conquistadors, sous bien sûr le commandement de Francisco Pizarro. L'empereur Atahualpa meurt un an après, même pas. Oui, il est capturé à Cajamarca, au nord du Pérou, dans la cordillère nord du Pérou. Et il va être exécuté pour traîtrise, malgré le fait qu'il ait répondu à la rançon demandée par Pizarro, c'est-à-dire que soient remplies plusieurs salles d'or et d'argent. Il sera quand même exécuté. Il y a tout juste 50 ans, paraissait le film de Werner Herzog, Aguirre, la colère de Dieu. On se souvient des premières images, celles de la montée du chemin de l'Inca qui mène au Machu Picchu. Celui-ci est à 2438 mètres d'altitude. Peut-on dire que la cité disparaîtra des mémoires juste après l'effondrement de l'Empire ? Elle disparaîtra des mémoires, pas pour tout le monde, puisque les populations locales, elles, connaissent le site, savent qu'il existe. Il y a même, nous savons même qu'une famille avait élu domicile hein, sur le site de Machu Picchu et cultivé encore sur les terrasses du site avant l'arrivée de Hiram Birgam en 1911. Carole Fraresso, qu'est-ce que le Machu Picchu ? Une cité royale ? Un sanctuaire ? Je pense que ce sont les deux à la fois, donc on ne peut pas attribuer une fonction, une seule fonction au site. C'est avant tout une résidence impériale, c'est la résidence de l'Inca Pachacutec. Il a été construit par Pachacutec, enfin sous demande de Pachacutec vers 1450 après Jésus-Christ. C'est une résidence où l'Inca vient avec sa cour. Il y a un espace sacré, un espace, une zone urbaine où l'on va réaliser les activités rituelles, cérémonielles, lire le ciel aussi. C'est un endroit quand même stratégique aussi de par son emplacement. C'est un endroit aussi sacré. Il est au sommet d'une montagne, entouré par des montagnes qui sont considérées comme les divinités tutélaires de la religion inca, les Apu. Et il a aussi stratégiquement peut-être une fonction, puisque nous sommes en fait à la limite, ce site est à la limite du flanc oriental amazonien et de la cordillère des Andes. C'est aussi un lieu où on va avoir des activités agricoles. Il y a une partie haute, Anan, et une partie basse, Urin. Et dans cette partie basse, on va cultiver, il y a des terrasses, on va cultiver les récoltes en fait, qui vont être consommés, le maïs notamment, qui vont être consommés sur le site. À l'été 1911, un archéologue de l'université de Yale part à la recherche de la cité perdue de Vilcabamba, ce que les conquistadors appelaient le refuge des derniers survivants de la race du soleil. C'est bon. Oui, c'est exactement ça. C'est ce qui est écrit dans les chroniques. Et donc, effectivement, le rêve d'Hiram Birgam, c'est de trouver Vilcabamba. Et j'ai envie de vous dire oui, mais sans le savoir. C'est-à-dire que Hiram Birgam, quand il part lors de cette expédition financée par le National Geographic, hein, c'est la première mission d'ailleurs archéologique qui est financée par le National Geographic. Avec des photos extraordinaires. Donc, il découvre Machu Picchu. Et en fait, le Machu Picchu va devenir célèbre partout dans le monde hein, suite à la publication du National Geographic de 1913. Lorsque Hiram Birgam arrive sur le Machu Picchu, après d'innombrables péripéties, parce que c'est un site quand même qui est perché au sommet d'une montagne et qui était recouvert par la végétation, il pense avoir trouvé Vilcabamba. Mais il va avancer, en fait, et lors de cette mission, il va trouver quatre sites. Et parmi ces quatre sites, donc Machu Picchu et le Machu Picchu que l'on connaît aujourd'hui, et Vilcabamba est une autre cité qu'il a sans doute découvert, mais il était persuadé, en fait, lui, d'avoir découvert Vilcabamba. Le Machu Picchu, c'était une petite ville quand même, c'est quelques milliers, voire un millier d'habitants. Oui, peut-être c'est même moins. À peu près 1200 habitants sur le site. Oui. Donc rien à voir avec les énormes centres péruviens ? Non, c'est une résidence impériale, donc tout le monde n'a pas accès à ce site. Il y a la famille royale de l'Inca et il y a effectivement les prêtres, toutes les élites qui sont en lien avec l'organisation des rituels, des cérémonies, et puis les habitants qui vont avoir les activités artisanales et s'occuper des terres. Contrairement à l'avis de l'archéologue, les objets collectés au Machu Picchu, voici un siècle, ont été conservés par l'université de Yale et l'objet d'un vrai dossier juridique entre Pérou et États-Unis. Ils ne sont rentrés qu'en 2011, donc un siècle plus tard, dans leur pays d'origine ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'histoire de ces objets est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'en 1914, Hiram Bingham fait la demande officielle au gouvernement péruvien de rapporter avec lui à l'université de Yale le matériel fouillé pour son étude. C'est-à-dire que on sent vraiment dans les courriers, dans les échanges qu'il y a eu, que Hiram Bingham, son objectif, c'est vraiment d'étudier ce matériel et de travailler pour le Pérou. Donc effectivement, sous accord, donc ça, on a des cartes, des lettres écrites. Sous l'accord du gouvernement, les objets sont autorisés à partir 3 ans hors du territoire et ils seront conservés au Peabody Museum de Yale. En fait, ce matériel restera effectivement un siècle jusqu'à ce qu'en 2001, en fait, les autorités péruviennes demandent la restitution du matériel. Il n'y a jamais eu de retour de la part de Yale et donc ça a lancé une problématique juridique et cela a pris de l'ampleur au niveau aussi politique, je veux dire, au Pérou, c'est-à-dire que les Péruviens se sont attribués cette spoliation, quelque part, les objets identitaires, et après maintes négociations, les objets sont retournés au Pérou, effectivement, en 2011, juste à temps pour fêter le bicentenaire de la découverte du Machu Picchu. En deux mots, il y a eu des fouilles ensuite ? Il y a des fouilles récentes sur le Machu Picchu ? Il y a des fouilles récentes sur le Machu Picchu, les dernières, donc il y a des fouilles archéologiques, et puis il y a aussi les nouveaux outils, dont l'archéologue dispose pour étudier les sites de cette ampleur. Il y a eu l'utilisation de drones pour étudier le site et surtout des radars de sol et les technologies LIDAR qui permettent en fait d'aller voir ce qui se passe en dessous du site et qui ont permis d'étudier les soubassements, c'est-à-dire les soutènements du site et effectivement d'où arrivait l'eau aussi, les systèmes de canalisation d'eau qui alimente le site de Machu Picchu. Évoquons la cosmogonie, ce que vous appelez dans l'exposition la cosmovision, à ne pas confondre bien sûr avec le cosmogol. Curieusement, cette vision du monde perdure 3000 ans, une étonnante stabilité. Oui, une étonnante stabilité, c'est ce que nous souhaitons montrer à travers cette exposition. L'objectif, c'est effectivement de montrer au public, de comprendre comment les anciens Péruviens penser le monde, comment est-ce qu'il s'organisait, pourquoi est-ce que c'est important, parce que des symboles, des codes, des messages sont inscrits dans les objets archéologiques. Je rappelle que ce sont des sociétés sans système d'écriture et que pour comprendre leur vision du monde, il faut comprendre, savoir lire ces objets. Donc la cosmovision andine, quelque part, elle s'explique par 3 niveaux, les anciens habitants du Pérou pensaient que le monde d'en haut était habité par les dieux, qui est symbolisé par l'oiseau, cet animal qui a la capacité d'y monter. Le monde inférieur, souterrain, qui est habité, lui, par les ancêtres, c'est-à-dire que les morts vont effectuer un voyage où ils vont se transformer en ancêtres et depuis cette position nouvellement acquise, vont assurer la protection de la communauté. Et entre ces deux monde, il y a le plan terrestre où les hommes et les femmes ont des activités quotidiennes. Ils cultivent les champs, ils nettoient les canaux d'irrigation et ils mènent aussi des rituels et des cérémonies pour honorer les dieux et les ancêtres. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Carole Fraresso, voici peu, nous évoquions les idéologies de Mésoamérique, aztèques, mayas par exemple. Idéologie basée sur la dynamique créée par l'opposition et la complémentarité de principes. Nous sommes exactement sur la même chose au Pérou. Nous sommes exactement sur la même chose, effectivement. La dualité, ce que l'on appelle la dualité andine, est fondamentale. Et aujourd'hui encore. C'est-à-dire qu'on a ce concept dans la pensée qui est de dire que les choses, enfin les forces opposées de la nature doivent se rencontrer pour créer quelque chose de nouveau. Dans les Andes, on appelle ça le tinkui. Le tinkui, c'est cette chose nouvelle qui va régénérer de cette rencontre. Donc par exemple, l'homme, la femme, le soleil, la lune, le sec, l'humide, le bas, le haut sont des forces opposées, des notions opposées qui doivent se rencontrer pour créer l'harmonie, l'équilibre. Alors nous avons Adnan Pacha et le condor qui s'opposent bien sûr à Uku Pacha, le serpent. Exactement, donc le Hanan Pacha, c'est ce monde supérieur symbolisé par l'oiseau, donc le condor, tous ces animaux qui ont la capacité de voler. Et le Uku Pacha qui lui est symbolisé par le serpent sacré qui est aussi appelé Amaru et qui est cet animal qui a la capacité de se faufiler dans le monde des ancêtres. On imagine alors que ces deux mondes se doivent d'être en équilibre, en harmonie, mais un troisième monde existe, celui des hommes de la surface de la Terre, c'est ça ? C'est ça, le plan terrestre où les hommes, les femmes, les êtres vivants ont leurs activités et doivent être en permanence en interaction avec le monde d'en haut, le Hanan Pacha, et le monde d'en bas, le Uku Pacha. Et donc, on va mener des rituels, des cérémonies pour satisfaire les dieux, pour satisfaire les ancêtres et aussi les honorer. Donc c'est un travail de tous les instants, pour que rien ne bascule. C'est un travail constant, permanent, les rituels sont nombreux. Aujourd'hui encore, il y a des rituels dans les Andes, avant d'aller faire les semis, vous allez demander l'autorisation à la terre-mère, vous allez lui faire des offrandes, et en retour, la terre-mère vous accordera de bonnes récoltes. Par exemple. Donc ces rituels, ces cérémonies, elles sont nombreuses. Elles intègrent aussi un système politique, c'est-à-dire qu'elles permettent aux élites, aux gouvernants, de justifier, de légitimer leur pouvoir et d'assurer aux populations, quelque part, un ordre des choses. Mais parfois, cet ordre est perturbé par des facteurs exogènes comme les phénomènes climatiques, par exemple El Niño, bien sûr. qui vient s'abattre des pluies diluviennes sur la côte, des sécheresses dans les Andes, et donc là l'ordre est perturbé, est rompu, et ces rituels permettent de restaurer cet équilibre. Il y a bien sûr, j'imagine, des rituels collectifs au niveau des villages et autres. Est-ce que l'on a des rituels officiels organisés par vraiment le pouvoir de Cusco et l'empereur ? D'ailleurs, est-ce que on a des sacrifices ? Semble-t-il assez peu, contrairement en Mésoamérique où ils sont très fréquents. Ils sont moins fréquents qu'en Mésoamérique, mais on a des sacrifices. Les Mochica, par exemple, sont ceux qui nous ont laissé des traces de cette grande cérémonie où on va sacrifier des guerriers capturés au combat. Donc tout rentre dans le cadre de rituels. Hein. Il y a un combat rituel qui est mené entre guerriers. Le perdant est capturé et il est préparé pour le sacrifice majeur. C'est-à-dire que l'on va l'égorger ou lui arracher le cœur, mais on va récupérer son sang dans une coupe que l'on va aller offrir aux dieux. C'est l'offrande maximale qui peut être faite aux dieux. Les Incas vont aussi avoir des sacrifices, vont mener des sacrifices, notamment de lama. Les sacrifices de lama sont très importants, la couleur de l'animal aussi, en fonction des rituels que l'on va mener. Et il y a également des sacrifices de jeunes filles vierges, que l'on ne va pas égorger, on ne va pas leur arracher le cœur. Par contre, elles vont rentrer dans le cadre d'un rituel long qui va se traduire par un pèlerinage jusqu'au sommets les plus hauts où résident les divinités et où elles seront enterrées vivantes. Le monde souterrain est associé bien sûr à la lune, à la nuit et au monde des morts. Vous présentez dans l'exposition un bel art érotique. Est-ce parce que les morts se doivent de se régénérer qu'ils se font visiblement très plaisir ? Ils se font très plaisir. Non, les morts, les ancêtres sont actifs. Ils sont actifs dans ce monde souterrain. Et donc, effectivement, ces céramiques que l'on observe sexuelles, avec des représentations sexuelles très claires, hein, très détaillées, on observe que, par exemple, ça, c'était le travail de Steve Bourget, qui a fait une étude sur ces représentations érotiques. 80% représentent des scènes dites non reproductives. C'est-à-dire qu'on va avoir des scènes de fellation, des scènes de coït anal, d'attouchement, de masturbation. Et donc là, on sent que effectivement, l'objectif, c'est de récupérer ce fluide symbolique qui est le sperme et qui permet symboliquement de fertiliser la terre-mère Pachamama. Les objets que vous présentez dans l'exposition n'appartiennent pas à la vie quotidienne. Ils sont liés à des rituels et seraient l'expression de messages. Dans le monde andin, les objets sont l'expression de mythologie, mais on peut même dire d'idéologie. Oui, ce sont des appareils idéologiques, clairement. On a des objets, tous les objets que vous verrez dans l'exposition sont des objets qui sont retrouvés dans des tombes, ce sont des objets funéraires, mais qui avaient aussi la fonction d'être des contenants à liquide, des fluides. Le fluide est extrêmement important, le liquide, on peut avoir l'eau, mais aussi la chicha, la bière de maïs fermentée, hein, qui est présente absolument partout pour célébrer les morts, pour accompagner les morts, pour faire des offrandes à la terre-mère, pour quand on nettoie les canaux d'irrigation, on fait ça en communauté et on boit de la chicha. Ce sont des moments de fête et de partage. Et ces objets sont effectivement funéraires, mais ont une vocation idéologique parce qu'ils renferment des messages. Justement, évoquons vos belles céramiques mochika, reflets de mythes, notamment les bouteilles à anse à étrier. Là aussi, on est sur le monde du bas, le monde du haut. On est sur la symbolique, effectivement, de cette connexion, cette anse en forme d'étrier. Elle connecte le monde extérieur avec le monde intérieur. Un bol en or et argent de culture chimou, c'est-à-dire entre le XIe et le XVe siècle, possède, lui, une sorte de grande scène mythologique. J'ai pris celui-là, mais il y en a vraiment plusieurs. Oui, il y en a d'autres, oui, effectivement. Mais c'est un bol, effectivement, cérémoniel, un contenant à fluide sacré. Il est moitié or, moitié argent. Et effectivement, il y a une scène gravée, très fine, d'un être anthropomorphe qui se répète. Donc c'est la représentation de l'ancêtre, du gouvernant, qui est avec une grande coiffe à plume, donc qui marque son statut social élevé, et qui se termine, donc il a les extrémités, les bras et les jambes, qui se terminent par une tête de félin. Et la tête de félin, le félin, est cet animal qui symbolise le pouvoir sur Terre, dans le monde terrestre. Carole Fraresso, puisque votre thèse était sur la parure, quelques mots ? Oh, quelques mots, nous pourrions... Oui, la parure qui effectivement est impactante au Pérou. La caractéristique du bijou, elle est que tous les objets vont être de grande taille, de grande dimension. La parure se veut monumentale et à la fois se veut extrêmement légère. C'est-à-dire que nous sommes clairement face à une identité technique. Les objets sont faits à partir de feuilles de métal qui sont martelées, qui permet d'avoir des objets à la fois de grande dimension et extrêmement légers. Donc on va avoir des parures en or, en argent. On va aussi découvrir des parures en cuivre doré, c'est-à-dire que les artisans sont des techniciens de la déformation plastique, mais ils sont aussi des techniciens de la couleur. Et oui, il y a des très beaux objets en or et en turquoise. C'est très beau, c'est vraiment un art très beau. Côté esthétique, justement, et à l'image du drapeau de l'Ukraine, vous présentez un étendard jaune et bleu réalisé en plume d'ara et daté de 600 à 800 de notre ère. On oublie trop souvent l'art de la plume. Oui, on oublie l'art de la plume. La plumasserie est un art qui est aussi important que celui de l'orfèvrerie. L'art textile et l'art de la plumasserie. On a ces objets. Alors cet objet, cet étendard est particulièrement beau de par son état de conservation. Donc il est constitué de quatre rectangles opposés et complémentaires. Oui. Donc on est dans cette notion de dualité. Le jaune faisant référence au soleil et le bleu faisant référence à l'eau. Donc c'est deux éléments de la nature se rencontrent pour créer quelque chose de nouveau, donner la vie, régénérer. Cet étendard est intéressant parce que cet étendard a été retrouvé en 1943 dans le désert avec 96 autres bannières de ce style. Extraordinaire. Dans cette iconographie figure un étrange personnage aux dents menaçantes et porteur d'une coiffe de félin et de plumes d'oiseau. Qui est-il ? Ayapaek, notre héros mythologique mochika. Donc Ayapaek est le nom qui a été donné par Raphaël Larco Hoyle à ce personnage qui est reconnaissable à quelques caractéristiques physiques. Il porte toujours des boucles d'oreilles en tête de serpent. Il a des crocs de félin et il a toujours une coiffe en forme de demi-lune rehaussée de plumes. Et on le voit apparaître sur des centaines de céramiques dans des activités diverses. On va le voir combattre avec des monstres marins. On va le voir lutter contre un monstre égorgeur qui va lui trancher la tête. On va le voir transformer en crabe. On va le voir soigné par une chouette chamane. Et on va le voir aussi s'accoupler avec la terre-mère Pachamama. On l'appelle celui qui fait les choses. Il s'agit d'un héros vivant des aventures et une épopée en voyageant dans le monde de l'au-delà. Hélas, il meurt, mais il renaît pour sauver le soleil, c'est bien ça ? C'est exactement ça. En fait, Ayapaek part à la recherche du soleil qui a disparu dans les profondeurs de l'océan et qui laisse place aux ténèbres quelque part. Donc Ayapaek se doit, pour sa communauté, de se sacrifier pour permettre à la communauté de survivre. Carole Fraresso, merci beaucoup. À voir donc l'exposition Machu Picchu à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Stéphane Touvenin, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. We'll be right back.